On dit souvent que la Loire commence au Mont Gerbier des Joncs, qui est une montagne un peu chauve, qui se situe donc dans le Massif central, et qu'elle se termine à Nantes, qui est un vaste estuaire, où la mer, selon les marées, rentre un peu dans l'estuaire. Mais moi, j'aime bien dire qu'il y a autant de sources qu'on peut imaginer. Il faut que la quantité d'eau qui arrive dans l'estuaire vienne de quelque part. Et donc, ce sont des milliers de sources qui constituent la Loire, à chaque point haut du bassin versant. Et donc, on peut imaginer des centaines de milliers de sources de la Loire. L'eau de la Loire, en fait, ce n'est que la partie visible de la nappe phréatique de Beauce, qui est immense, qui fait des dizaines de kilomètres carrés. Et cette eau-là circule sous nos pieds. La Loire nous relie au monde. Pensons aux anguilles. Elles naissent au large de la Floride, dans la mer des Sargasses, puis portées par le courant océanique, le Gulf Stream, elles viennent jusque dans l'estuaire de la Loire. Tel un écheveau de fil invisible, ce fleuve aux airs faussement calmes bat au rythme des cycles de l'univers, des marées montantes et de la lune. Mon paysage à moi, c'est l'estuaire. Ce qu'il y a de merveilleux avec l'estuaire, c'est qu'on a une conscience très forte de se tenir à l'un ou l'autre des bords du fleuve et d'avoir l'océan et son immensité à côté. C'est-à-dire qu'on est pris dans un paysage qui vous accueille, parce que c'est merveilleux, les paysages d'estuaire. C'est des paysages de métamorphose, où les eaux se mêlent, les eaux douces et les eaux salées, où la marée remonte pendant des dizaines de kilomètres, et où donc le mouvement océanique se fait sentir même sur la terre ferme. Et donc on est devant ce fleuve qui flue et qui reflue, qui est comme une espèce de conversation avec tout ce qui l'entoure, comme une pulsation, une circulation sanguine en fait. Donc ça donne un sentiment de vie très très puissant. Ça donne un sentiment de gâchis très très puissant aussi, si on a affaire à des fleuves déjà très pollués et à des paysages déjà très abîmés. Mais ce que l'estuaire donne, enfin ce qu'il me donne à moi, c'est le grand sentiment de la partance. On est là, et pourtant on est pris dans un mouvement très très vaste qui va vers le large. Et il y a un accueil fait au corps dans un lieu comme celui-là, qui est très singulier, et qui, moi, me permet vraiment de respirer. Écocide, qualifier le crime, vu de l'écosystème. Non, la Loire n'est pas menacée d'écocide, mais sur ses flancs, les bancs de sable craquellent et les nappes phréatiques pompées par l'agriculture laissent à découvert un lit de moins en moins profond et les anguilles, fragilisées par les pollutions industrielles et agricoles, disparaissent. Comment donner voix aux anguilles et à l'écosystème Loire pour qu'ils puissent prévenir du danger et s'interposer avant même l'extinction d'une de ses composantes? À quelle distance observer la Loire avec son vaste ensemble de bassins versants et de forêts alluviales? Faut-il adopter le point de vue surplombant du drone et survoler les images d'un fleuve classé pour son patrimoine, avec ses jardins rangés, suivre les digues et les anciennes voies ferrées devenues bruyantes départementales, ou à l'inverse, se confondre avec elle, la Loire? Adopter les palmes de l'archéologue qui, en sous-marin, cherche les traces des épaves se disloquant sous des lâchers d'eau des barrages et s'attacher aux strates de sédiments embrasant l'histoire sur la longue durée. Ou encore, adopter le point de vue du prédateur, le Loch Ness local, qui colonise les eaux depuis son introduction par la pisciculture, le silure. Comment tenir ensemble ce monde de choses vivantes et non vivantes? Faut-il souligner leur interdépendance ou au contraire leur conflictualité? Quelle voix la Loire ferait-elle entendre si elle devait prévenir d'un écocide en devenant sujet de droit? Bruno Marmiroli, nous sommes ici, un petit peu entre Deauville et Las Vegas. Oui, c'est ça, c'était le slogan de l'époque, Deauville et Las Vegas. Oui, on est au niveau du lac de Loire, ce qu'on appelle le lac de Loire, c'est l'ancien lac de Loire. Oui. Ici, on fait du ski nautique, on fait de la voile, on fait du canoë-kayak. On peut rester 15 jours. On a des cartes postales de personnes qui témoignent de leur intérêt et qui sont installées là pour les vacances, comme sur les bords de mer. Mais on espérait accueillir combien de personnes, de touristes ici ? Plusieurs milliers. Hein. C'était vraiment des chiffres conséquents qui concurrençaient vraiment les stations littorales. Les fameuses stations balnéaires et touristiques des bords de mer, on y était, quoi. On avait un plan d'eau de 2,50 m de hauteur à peu près. Donc aucun problème de navigation pour les sports nautiques. Donc, il a fallu construire avec une certaine brutalité ce plan d'eau. Qu'est-ce qui a été imaginé ? On voit encore des traces, comme des blessures sur le fleuve. On voit encore les stigmates, des blocs massifs qui étaient là pour stabiliser des portes métalliques censées, ça marchait d'ailleurs, hein, retenir l'eau. Ce qu'on voit là, donc un peu au loin, là, dans le cours, vraiment dans le lit mineur du fleuve, ce sont les piles de l'ancien barrage. 2-3 mètres. C'est ça. Ce sont des blocs de béton assez puissants posés sur un radier, donc un socle béton, et qui permettaient de glisser entre chaque pile des vannes de barrage qui s'abaissaient en période hivernale et qui se remontaient l'été pour avoir ce lac de Loire. La base du lac de Loire à Blois a conquis ses étoiles de complexe international de loisirs. Rien d'étonnant que 220 voiliers et une centaine d'embarcations à moteur y soient au mouillage. L'avenir du lac de Loire n'est pas moins séduisant dans ses perspectives avec les projets de création d'un centre hippique et d'un village vacances de la Roéven. Déjà cette année, le restaurant n'effectuera pas de fermeture hivernale, témoignage évident d'un plein emploi. En attendant, bonnes vacances à tous. Disney World is more than just a place. It is a complete vacation destination where guests may stay as long as they like. And here, even a hotel is an adventure. En 1972, c'est l'année où une société privée, Camille de Toledo, est en conflit avec des associations de défense d'une forêt de séquoia en Californie. On a donc d'un côté des intérêts privés de la société Disney qui souhaite exploiter ce milieu pour en faire un resort, une station de ski avec des hôtels, des restaurants. Et de l'autre, des riverains, des habitants qui cherchent à défendre des arbres millénaires. Les associations donc saisissent la justice et au terme d'une procédure très longue, le juge va estimer que la société Disney est dans son droit. Voilà le raisonnement des juges, assez brutalement posé. Les riverains n'ont pas intérêt à agir au nom des séquoias sur des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Donc, le droit de propriété s'applique. C'est à partir de ce cas qu'un juriste, un certain Christopher Stone, va commencer à se poser la question suivante. Est-ce que ce cas ne serait pas mieux posé si les arbres avaient un droit de plaider, avaient un intérêt à agir ? Un conflit donc des temps, entre le temps court de l'industrie humaine, du développement, et le temps long des milieux, des écosystèmes. Et Stone, Christopher, est face à cette question. Il commence à réfléchir à cette bascule du droit où les arbres pourraient accéder à la personnalité juridique. Ils pourraient accéder au tribunal. Et donc, il pense, Christopher Stone, ce qui serait un saut subjectif, une nouvelle subjectivité légale pour la nature. La loi résonne, elle vous redonne votre voix, elle vous redonne une manière d'incarner un rapport qui effectivement est fluvial, c'est-à-dire quelque chose qui qui vous... David G. Bartoli. Qui vous abreuve. Ici, un collectif est venu s'adresser à Loire. Qu'est-ce que c'est que de peupler la Loire avec tous les autres êtres? On portait la voix, on en appelait à « Ô Loire, Loire, ô Loire ». La Loire nous a répondu, elle nous a fait écho. Ô Loire, ô toi Loire, langoureuse, lancinante, tumultueuse, ô Loire, la farouche, la sauvage, la serpente. Ô Loire, et les poissons ressurgissent à la surface. Écoutez cette voix. On va traverser dans l'eau. Parce que là, on a la Loire qui, en fait, reprend un nouveau lieu. Donc, vous voyez, elle coule dans ce sens-là. Puis, hop, elle prend un petit chemin. Virginie Cernin. Et là, elle va commencer, en fait, à contre-courant, à complètement inonder, en fait, reprendre son chemin dans ce bras mort qui est resté un bras secondaire pendant au moins 3 mois. Donc là, il y a toute une nouvelle vie qui va reprendre, en fait. Donc cet arbre mort, c'était un peu mon repère. Et là même, le temps qu'on y reste, en 1 heure, on va voir l'eau monter. Donc il faut tout mettre un petit peu sur le côté ici. Une eau qui est très chargée, marron, complètement marron. Le rythme change, le paysage change. Donc là, on est passé à autre chose. C'est une métamorphose, c'est toujours étonnant, ça. Toujours étonnant. C'est pas les mêmes oiseaux. Là, il est évident qu'on va avoir une petite crue. On peut le lire à la montée des eaux qu'on voit pratiquement millimètre par millimètre, là, sur les bords de Loire. Donc la Loire sera différente. Elle sera turbide. Elle fera peur. Mais bon, elle emportera ce qu'il faut qu'elle emporte vers Nantes. Lorsque l'on est paysagiste, Lolita voisin et chercheuse sur la question du paysage, qu'est-ce que l'on observe? Ces points de friction? Et puis peut-être, quels sont vos points d'attention? Ces paysages sont si incertains que ma présence physique dans les lieux ne suffit pas à m'informer de ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'il y a des mouvements qui sont beaucoup plus vastes que nous et que probablement qu'à notre échelle humaine, on a du mal à les percevoir avec le corps. Il est souvent difficile de percevoir à quel point le sol a été modelé par l'homme. Et pourtant, le moindre chemin, le moindre fossé, là où nous marchons, ce sont des milliers ou des centaines d'années de transformations successives, de matériaux successifs. Par exemple, je ne peux pas savoir, avec ma simple présence en bord de Loire, qu'on est en train d'extraire des quantités énormes de sédiments dans le lit majeur de la Loire, notamment du côté de la Nièvre, pour nourrir les projets de construction du Grand Paris, Express notamment, où le besoin de matière est très important. Donc on vient soutirer des matières sédimentaires au milieu de Loire, qui est pourtant assez loin de la ville de Paris, en très grande quantité du gravier et du sable. Et à l'inverse, on vient remplir ensuite ces trous, ces extractions, par les déchets du Grand Paris, qui sont aussi l'occasion de nombreuses démolitions. Et dans ces démolitions, il y a évidemment des produits polluants et des matières qui n'ont rien à voir avec le sous-sol de la Loire, et qui sont là aussi, par exemple, un signe de pollution invisible, un signe de transformation du paysage majeur, mais invisible. Les trous sont rebouchés, et il est impossible de sentir la présence de ces déchets, qui sont en plus des déchets dits inertes, donc qui ont très peu d'effets physiques sur la perception humaine, mais qui engendrent une pollution à très long terme, et une pollution totalement invisible. Ici, on peut avoir des aigrettes, des hérons cendrés, les ronds pourpres, un sanglier aussi. J'ai un copain sanglier qui est là. En face, il y a des cygnes aussi qui se baladent. Je vais aller dans l'eau. Vous avez un lien quasi charnel à la Loire. Oui, je m'y baigne souvent, j'y nage souvent, j'y travaille et je bois aussi l'eau de Loire dans le mi-temps du lit. J'ai pas peur de l'eau de Loire. Virginie Serna. J'ai été happée, assez séduite aussi par le fait que la Loire, en fait, soit un formidable conservatoire archéologique. Plonger dans la Loire, c'est venir y lire une histoire commune, une histoire ancienne. Oui, plonger dans la Loire, c'est donc aller en dessous et donc saisir, en fait. Alors, des sites archéologiques qui vont beaucoup se présenter, qui m'intéressent le plus, sous la forme d'épaves, des tas de présences, il y a une très belle mémoire, en fait, de la circulation de Loire qui se trouve sous l'eau, sous le sable. Des chalands, on appelle ça aussi des gabarres, on peut avoir aussi des pirogues monoxyles, et puis on va avoir aussi parfois des densités en fait de céramique que l'on va retrouver de toutes époques et qui vont se trouver en fait sur des langues de sable qui racontent en fait à leur façon l'immense voie de circulation qu'était la Loire. Ça c'est très émouvant et c'est jamais au même endroit et ça reste quelque chose qui est très précieux dans ce fleuve pour moi. Les Ligériens, les habitants des bords de Loire, disent que la Loire aime bien divaguer. Alors, la laisser s'exprimer autant qu'elle le souhaite, ça peut être inquiétant. Pour qu'un fleuve soit en bonne santé, un fleuve de plaine, comme l'est la Loire, elle a besoin de divaguer. Divaguer, ça veut dire créer des méandres, déposer des sédiments, éroder à d'autres endroits. Et ça veut dire circuler. La Loire, elle chante, elle bruisse. Oui, elle chante, elle bruisse. En fonction des sons qu'elle produit, on sait si elle monte. C'est le cas aujourd'hui. Il y a une petite crue là. Si elle est stable ou si elle descend. Quand c'est des crues importantes, il y a une grosse rumeur de la Loire, plus forte, plus puissante. On sent la puissance du fleuve. Philippe Boineau. Et là, le ronronnement que vous entendez à l'arrière de l'atout, c'est le signe qu'elle est en train de monter. Il y a une petite crue qui passe. Et là, on est en Touraine. Et c'est les pluies de la semaine dernière sur l'Ardèche et la Lozère. Et donc on a en Touraine une crue cévenole en ce moment. Une petite crue cévenole pas dangereuse. Pas comme celle de 1856 où il y en avait 6-7 mètres d'eau au-dessus de la tête. Là. Cet aspect parfaitement artificielle, c'est-à-dire de rendre la Loire tout à fait plate, sans mouvement, maîtrisée. C'est une histoire ancienne avec ce fleuve. Napoléon III l'avait déjà formulé après les grandes crues. Je crois que c'est après celle de 1866 qu'il est venu, qu'il a vu les dégâts et qu'il a effectivement lancé ce slogan « Je veux que les fleuves comme les révolutions rentrent dans leur lit ». Ouais, à partir du 18e siècle des Lumières, on a un siècle et demi d'aménagement portuaire. Des quais, des ports, qui là, forcément, ont une incidence sur la canalisation. Bruno Marmiroli. Disons que sa dynamique naturelle est fortement contrainte à ce moment-là. Elle l'est, sinon, beaucoup plus proche de nous, si on se tourne un peu vers l'est et qu'on regarde vers la centrale nucléaire de Saint-Laurent. Là, il y a une meurtrissure profonde qui est le grand barrage, le grand mur qui a été érigé pour capter l'eau, pour le refroidissement des tours. Voilà, donc ça, c'est une meurtrissure récente. Catherine Fumet, au-dessus de nos têtes, des lignes électriques. Des lignes qui partent de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, puisqu'ici nous sommes à quelques kilomètres en aval de la centrale. Voilà, cette centrale qui a eu 40 ans passé l'année dernière. Ce n'est pas la seule centrale nucléaire qui est juste sur les bords de Loire. Elles sont au nombre de 5. Alors, il y en a 4 au bord de la Loire, hein. Et puis, on a celle de Civaux qui n'est pas sur la Loire, mais qui est sur les bords de la Vienne, qui, elle, se jette dans la Loire, qui vient alimenter la Loire aussi avec ses rejets chimiques, radioactifs. Donc, il y a des rejets tous les mois. Des rejets donc de tritium, des rejets d'iode radioactive et des rejets de carbone 14, pour ce qui est des radioéléments. Et puis, il y a des rejets chimiques pour Belleville et Dampierre. Les deux cumulés, ça fait quand même 480 tonnes de produits chimiques qui ont été déversés dans la Loire en 2020. Des nitrates, des phosphates, de l'ammoniac, des métaux lourds, du cuivre, du zinc, des détergents, des chlorures et plus certaines substances cancérigènes aussi, etc. Alors, pour son fonctionnement, la centrale doit nettoyer ses circuits, avoir tout un tas d'opérations, nettoyer les tours aéro-réfrigérantes dans lesquelles se développent des amibes et des légionelles. Donc il faut faire des traitements biocides. Vous voyez, pour les tuyauteries, il faut les nettoyer, etc. Donc c'est tout ce qui est lié au fonctionnement de la centrale qui fait qu'il y a des rejets chimiques. Le cuivre, par exemple, c'est lié aussi à la présence de cuivre dans les canalisations de la centrale. Donc là, je vais poser un filet. Et là, je vous dis qu'a priori, les conditions sont réunies pour qu'il y ait du poisson. Mais non, on verra demain. Thierry Bouvet, pêcheur. Et voilà, le premier. Ce ne sont pas des plantes invasives, juste là, derrière? Alors, en fait, le milieu, il est riche en engrais qui descendent des surfaces agricoles qui sont au-dessus, voire plus en amont de ce qui revient de la Beauce et qui vient jusqu'à la Loire. C'est un vrai souci aussi pour la reproduction des poissons, parce qu'ils ne vont pas y trouver des espaces propices. Et ici, les boires, elles ne sont que des zones envahies par jussie et autres plantes invasives. Quand vous posez un filet, à certaines époques, vous posez un filet, en 20 minutes, votre filet, il a retenu une masse d'algues considérable qui va le faire couler. Et les poissons meurent? Alors les poissons, non, ils s'en débrouillent des algues. Nous, on ne les prend pas. Quand vous vous baignez autant à la Loire, ça, c'est super, elle est parfois à 27-28, vous êtes sur du sable, etc. Mais parfois, vous vous retrouvez en bonhomme CTLM, quoi. C'est moins fun. Tout vert. Ouais. Quels sont les résultats des prélèvements que vous faites ici au pied de la centrale de Dampierre? Alors, au pied de la centrale de Dampierre, ça nous permet de mettre en évidence qu'il y a déjà du tritium dans la Loire, le radioélément le plus rejeté en Loire et partout, d'ailleurs par toutes les installations nucléaires. Et puis comme EDF ne veut absolument pas dire à quel moment elle rejette, on ne sait pas si on est en période de rejet ou pas en période de rejet, donc c'est un peu compliqué. On a quand même eu des mesures à 105 becquerels par litre, c'est pas loin du maximum qu'on peut avoir quand on est en période de rejet. Et à Saumur, où là, on a eu une mesure de 310 becquerels par litre, c'est énorme. C'est-à-dire qu'à partir de 100, normalement, on déclenche une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il doit y avoir un problème quelque part, il y a un accident, il y a eu une fuite, enfin voilà. Donc, on a signalé ça. L'autorité de sûreté nucléaire a bien entendu notre alerte et a lancé des investigations. Bon, ils n'ont pas réussi à trouver d'où venait cette mesure exceptionnelle des 310 becquerels. Mais par contre, ils ont mis en évidence ce que nous, on disait depuis longtemps. C'est-à-dire que les normes reposent sur un modèle mathématique de dilution. C'est-à-dire qu'on rejette beaucoup de matière radioactive, mais étant donné le débit et la largeur du fleuve à cet endroit, si on multiplie par la largeur et par le débit, on est dans les normes, c'est dilué. Et la dilution doit se faire dans une distance pas très grande, de maximum 5 km. Sauf que la Loire, ce n'est pas un modèle mathématique. La dilution, elle ne se fait pas comme ça. Par exemple, quand la Vienne vient rencontrer la Loire, eh bien, les eaux ne se mélangent pas, parce qu'elles ne sont pas à la même température. Donc en fait, les eaux qui viennent de la Loire restent sur la rive droite, les eaux qui viennent de la Vienne restent sur la rive gauche. Du coup, on va exiger d'EDF qu'ils changent les places des hydrocollecteurs, parce que ça ne va pas. Vous voyez, on n'a jamais une communication nette, franche, claire, etc. Ni de à quel moment les rejets sont faits, ni de leur quantité exacte. Alors les quantités, si, après coup. Et après coup, on sait qu'il y a eu des rejets, mais on ne sait pas forcément à quelle date exactement. Et les pouvoirs publics ne nous alertent pas, ne nous disent non, pas. Non, faites un détour ici. Non. Bon, on voit bien qu'il y a des incidents toutes les semaines. Hein. On voit bien que tout n'est pas sous contrôle. On peut continuer à voir certains baigneurs, et puis des cyclistes, et puis quelques kayakistes, là. Et des pêcheurs, bien sûr. Soit on est vraiment un autochtone, on a baigné dans cette Loire et je crois qu'on ne veut pas la voir abîmée. On garde la Loire de son enfance, on garde voilà, une espèce d'image d'Épinal de la Loire. Soit on est là parce qu'on travaille, etc. Et donc il vaut mieux pas remettre en question, pas s'ajouter des motifs d'anxiété, si vous voulez. Donc bon, voilà, on préfère ne pas y penser. Alors, Loire, si la nature pouvait être sujet de droit et si Loire pouvait obtenir une personnalité juridique qui lui permettrait d'ester en justice par voie de représentation, avec des gardiens, par exemple, qui seraient nommés pour pouvoir parler en son nom et donc défendre sa valeur intrinsèque, son rôle écologique. Valérie Cabanès, juriste. Loire pourrait rappeler à un juge que, en 1969, si je ne me trompe pas, Saint-Laurent-des-Eaux, grande centrale nucléaire sur les bords de Loire, a eu un problème technique et que EDF, à cette époque, a décidé, pendant 5 ans, de rejeter du plutonium quotidiennement dans le fleuve Loire, sans informer la population. Plutonium qui a aussi une durée de vie de plusieurs centaines de milliers d'années, qui est donc aujourd'hui dans les sédiments, qui est aujourd'hui dans les poissons, qui est aujourd'hui peut-être même dans les corps humains des riverains de la Loire. Je m'en souviens encore, j'étais en train d'écouter la radio il y a quelques années et j'ai entendu le patron d'EDF à la retraite de cette époque reconnaître qu'il avait commis cet acte de façon délibérée. Mais comme il avait plus de 30 ans cet acte, il pouvait se permettre de le raconter parce qu'il y avait prescription. Eh bien, un fait de ce type aujourd'hui pourrait être reconnu d'écocide si l'écocide était reconnu en droit pénal français en tant que crime. Ce que l'écocide fait aussi, puisque l'écocide est aussi la reconnaissance d'un crime contre l'écosystème terrestre, hein, donc la Terre comme sujet de droit, c'est sa visée fortement préventive. Au moment où je vous parle, en Équateur, où les droits de la nature sont reconnus dans la Constitution depuis 2008, je viens d'apprendre qu'une forêt, Los Cedros, qui était menacée par un projet de mine, vient de gagner en justice. La Cour constitutionnelle équatorienne a utilisé les articles 71 et 72 de la Constitution équatorienne pour reconnaître les droits de Los Cedros, de cette forêt, droit à ne pas être pollué, droit à être préservé, droit à se régénérer, droit à exister tout simplement. Et la Cour constitutionnelle équatorienne vient d'interdire l'installation de cette mine dans cet espace naturel, dans cet écosystème. Et ce n'est possible, cela, que parce que les droits de la nature sont reconnus. Sinon, on est obligé d'attendre une catastrophe comme celle de Texaco-Chevron, comme celle de Saint-Laurent-des-Eaux pour Loire, pour pouvoir faire valoir effectivement un préjudice écologique pur. Et dans le cadre de Loire, quand on parle de plutonium, on ne peut même plus parler de préjudice puisque, de fait, il y a contamination pour des centaines de milliers d'années. Et donc on en est là. Il y a évidemment ce qu'on va appeler la question du mandat terrestre. Qui seront les bons gardiens? Qui seront les traducteurs? Qui seront les bons diplomates? Comment ils seront nommés? Qui seront les syndicalistes à venir des éléments terrestres? Comment donc est-ce que ce sera le tirage au sort? Est-ce que ce sera sur des logiques d'expertise? Si on emploie l'élection, alors on retombe sur le problème de la mal-représentation. Donc comment ce mandat terrestre se pense et s'organise? Camille de Toledo. Une autre changement, en fait, qui est une rêverie à venir, c'est à partir du moment où nous reconnaissons des sujets de la nature, eh bien tout d'un coup la figure du souverain change. Le souverain étant, depuis les révolutions du XVIIIe siècle, un souverain humain, un peuple, une nation. Mais lorsque le souverain s'entrelace d'autres formes de vie, des arbres, des forêts, des rivières, des lacs, des montagnes, différentes espèces, l'ensemble des voies de la terre, eh bien, quelque chose change dans la figure du souverain. Et si, en toute logique, on est un bon constitutionnaliste, alors on se dit, si le souverain change, alors le Parlement change. Et donc, il faudra également changer le visage et la forme de nos parlements. Ici interprète, d'entité vivante. Interpréter, c'est toujours un problème, parce que c'est très subjectif, et puis chacun interprète avec son système de connaissances et son système aussi de formatage, avec un certain nombre de normes. Barbara Klosewski. Donc, je ne sais pas si le mot interpréter est le plus adéquat, sauf si on le prend au sens théâtral, c'est-à-dire que on accepte de changer de personnage et que donc on accepte de jouer un rôle, mais pour bien le jouer, comme beaucoup d'acteurs l'expriment, il faut le ressentir. Et donc d'abord sentir. C'est-à-dire qu'il faut arriver à vivre en symbiose avec toutes ces formes vivantes. Pour le chasseur, pouvoir s'imaginer l'animal chassé. Ceci, oui, d'ailleurs, beaucoup de chasseurs et de pêcheurs le ressentent comme ça, que ce soit en Australie ou ici en France. Mais ça, c'est de l'ordre de la prédation. C'est pas la seule relation, et heureusement. Ressentir un poisson ou un animal, c'est pas forcément pour l'attraper. C'est pas forcément fonctionnel. De même, être sensible à la pluie, ou à l'eau dans un fleuve, quand on est en extase de nager dans l'eau, c'est pas parce que on veut la boire entière, c'est juste parce que on est en symbiose avec. Sous le pont Wilson, là-bas, on aperçoit, je crois, des baigneurs. Il y a une dizaine de baigneurs, hein, je crois, qui sont là. Alors j'ai l'impression que c'est un peu familial, parce que je vois aussi un... David G. Bartoli. Une poussette ou quelque chose comme ça. Et ils sont dans un endroit assez fréquenté et en même temps un peu dangereux, puisque vous savez que ce pont Wilson a, a été détruit par une inondation assez importante. Et pour le restabiliser, on a mis énormément de béton. Et donc là, des contre-courants, mais ils sont là, pour l'instant, sur le sable, sur la plage. On n'a pas tout à fait le droit de se baigner, mais on braconne un peu. On cherche des lieux comme ça, un peu à la marge, un peu en friche. Et on a envie en même temps, oui, d'enfreindre cet espace trop bétonné, trop contraint, quoi. Aujourd'hui, avec ces ponts, ces routes, est-ce que vous pourriez entendre les tintements des anguilles ? La pêche se fait tout d'abord à l'œil et après à l'oreille. Hein, ça se fait à la clochette et on l'écoute. On doit la sentir. Parce qu'au fond, elle est au fond. Elle est au fond de l'eau. Et elle n'aime pas la lumière. Donc on l'attend justement entre 9h et minuit 1h parce qu'elle remonte à la surface. Et c'est à ce moment-là où on doit être suffisamment fin parce que, quand on la prend, elle a un réflexe de tout de suite plonger. Et là, elle s'entoure dans les souches, elle s'entoure dans les pierres, et elle se sauve la vie à ce moment-là. Et donc, il faut être très attentif, très à l'écoute de cette anguille qui vient justement arpenter la Loire librement, je dirais dans son obscurité. Et quand on remonte l'anguille, elle glisse, donc il faut la prendre. Et là, elle a une force, elle vous entoure le bras, et en fait, elle a une muqueuse, elle a une peau qui s'entoure de votre peau. Et là, vous avez une sensation où, au moment où vous pensez que vous avez pris l'anguille, c'est elle qui vous prend. Et il faut donc petit à petit l'enlever de son bras. Elle vous a étreint, si on peut dire. C'est elle qui vous enserre. C'est elle qui vous montre une force qui vous dépossède quelque part. Lolita, voisin, la Loire est polyphonique, il n'y a pas qu'une voix, elle est polyglotte même peut-être. Ça veut dire, pour nous humains, devoir travailler peut-être des formes de translation, de traduction. La Loire est polyglotte parce qu'elle elle exprime de très nombreux êtres vivants qui en plus ont des langages de communication entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des langages de relation, on pourrait dire. Entre certaines espèces, ou entre le sable et le poisson, entre la cyanobactérie et la chaleur de l'atmosphère. Se poser la question de la traduction, c'est se poser la question des besoins de chacun. Comment cohabiter avec cette corneille, par exemple. Ça nécessite de traduire pour nous-mêmes entrer en relation. Et donc traduire, apprendre à traduire, comprendre les autres espèces et se poser la question de leurs besoins, de leurs relations, c'est nous accepter de changer nos manières de faire, nos besoins et évidemment notre poids très très fort sur les autres espèces en tant qu'humains. Je trouve que ça nous interroge de manière très inspirante sur nos formes d'habitat, sur nos formes de circulation, sur nos rythmes de vie en tant qu'humains, et que ça peut redéfinir nos modes de vie à nous aussi. Mais je pense que pour donner la voix aux êtres vivants, il faut probablement essayer de saisir quels sont les enjeux pour ces êtres vivants, les enjeux de vie et de mort en fait. Donc comment chaque être vivant peut naître, croître, se développer et mourir. Donc en fait, pour moi, ça fait tout de suite référence à la question des conflits potentiels entre les espèces. Et puis après, on peut s'emparer d'outils qui, pour moi, restent totalement à inventer. Par exemple, j'ai imaginé avec mes étudiants une machine théâtrale capable de faire exprimer les conflits de Loire, de les faire apparaître en faisant jouer différentes personnes, différents personnages, autant la cyanobactérie que le sédiment, que le pêcheur. Et ces personnages restent à inventer en permanence. Chaque nouvelle situation fait naître de nouvelles personnes, de nouveaux conflits. Si vous étiez ce poisson de Loire et que vous tentiez d'échapper à quelques pêcheurs d'ailleurs. Ou un gros silure. Quels sont les sens que vous utilisez? Quand je suis dans la Loire, éventuellement, Philippe Boineau. J'ai des yeux, je peux regarder ce qui se passe autour de moi. Et là, je vais utiliser mes autres sens qui sont les odeurs. Si je suis un poisson chasseur, j'essaie de repérer les molécules traces de mes proies pour essayer de savoir où elles sont. Et en plus, avec mes barbillons, j'ai plein de cellules olfactives et qui vont permettre de capter ces molécules pour les repérer. Je vais percevoir les ondes produites par tout ce qui m'entoure. Les ondes, ça peut être les ondes d'un bateau, s'il y a un pêcheur qui passe dans la proximité, mais ça peut être les ondes d'un banc de poisson, un banc de mulet qui va passer pas loin. Et donc ma ligne latérale, une ligne sensorielle que j'ai le long du corps, vont me permettre de percevoir tout ça. Toutes les vibrations de l'eau, je peux les interpréter pour savoir si c'est un humain, un poisson, un oiseau, voilà. C'est multifactoriel, hein. C'est les molécules traces que je vais percevoir avec mes organes de l'odeur et du goût, ça va être les vibrations, ça va être éventuellement les petites lueurs, et avec tout ça, je vais interpréter ce qui se passe. C'est de cette manière-là que je vais me déplacer, trouver mes congénères pour éventuellement la reproduction, ou aller manger, ou me sauver si je perçois un danger. Peut parler pour. Alors je pense que cette question, elle recouvre deux lignes, deux espoirs ou deux rêveries ou deux responsabilités assez différentes. D'abord, il y a une réflexion juridique qui existe depuis les années 70, depuis un livre de Christopher Stone qui s'appelait « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» et dont la réflexion a été reprise aussi par Michel Serres dans « Le contrat naturel ». Marielle Massé. Qui est une réflexion sur la possibilité de faire entrer les êtres de nature, disons, un fleuve, une forêt, une espèce animale, dans l'espace juridique, et donc de réfléchir aux dispositifs juridiques qui permettraient d'entendre leur voix, vraiment au sens du droit, c'est-à-dire de les entendre, défendre leurs droits, se plaindre, et d'offrir dans l'espace du droit la possibilité à la fois d'une qualification du crime environnemental et d'une réparation de ce crime. Donc il s'agit d'élargir la scène juridique à d'autres acteurs en prenant nos responsabilités d'humains pour trouver des manières de représenter ceux qui ne peuvent pas prendre la parole. Sur le modèle de la tutelle ou de la représentation de mineurs, par exemple, ou de bébés, en essayant de construire un droit qui élargisse les responsabilités de la communauté humaine à son environnement. Stone va chercher des arguments au départ très juridiques. Il utilise cet outil de la curatelle, de la tutelle que connaît très bien le droit pour dire « on sait le faire, donc pourquoi ne pas le faire pour des entités naturelles ?» Camille de Toledo. D'un point de vue juridique, la démonstration fonctionne, mais le but recherché est peut-être pas exact dans ce raisonnement, puisque on considère à ce moment-là les entités naturelles comme des incapables, alors qu'il s'agit au contraire, dans ce qui nous arrive, de reconnaître leur puissance d'agir. Et donc, l'autre argument de Stone, qui est d'emblée plus politique. On a vu au fil du temps, des années, des décennies, après différentes luttes, des êtres humains considérés comme choses basculer du côté des sujets. Et Stone, en fait, parle notamment de ce qui est arrivé aux esclaves, qui étaient considérés dans le droit américain, avant la fin de la guerre de sécession, comme des goods, en montrant en fait la perméabilité de cette zone et comment, après des luttes, et un changement du système de valeurs d'une société, il est possible de faire basculer d'anciens objets du droit en sujets. Il prend évidemment aussi d'autres exemples tirés de l'histoire des femmes, de l'histoire des Indiens. Il cite également la condition juive, avec des populations qui étaient traitées comme c'était selon des choses, des demi-choses, des demi-objets, des incapables majeurs. Donc on voit en fait qu'il va en quelque sorte penser ce passage des objets du droit, des entités naturelles, dans la catégorie des sujets, à partir de cette histoire plus politique, d'une conquête des droits. Et il va utiliser en fait aussi un argument qui est à nos yeux assez clé dans ce qui nous arrive, c'est la condition en fait des fictions juridiques pour qualifier ou donner la personnalité juridique à des entités fictionnelles, abstraites, des groupements d'actionnaires, des marques, des entreprises. En rappelant qu'à la fin du 19e siècle, il n'était absolument pas évident pour les juristes que ces groupements d'actionnaires ou ces entreprises aient des droits et une personnalité distincte des êtres humains physiques qui les composent. Et donc, une partie du raisonnement va être le suivant, c'est un peu comme une conséquence logique, puisque la crise terrestre a été notamment causée par l'octroi de droits exorbitants à des fictions juridiques qu'on nomme entreprise ou actionnariat ou capital, et puisque nous n'arrivons pas à réduire ces droits exorbitants, droit aux marques, droit à la concurrence, droit à l'investissement, droit à ceci, droit à cela, eh bien, peut-être que nous pourrions utiliser les fictions du droit pour équilibrer le monde autrement. Ou j'aime parfois le dire aussi comme ça, pour déséquilibrer le monde autrement, notamment en donnant droit de cité aux intérêts du temps long par la personnalité juridique des entités naturelles. Comment représenter la Loire ou l'écosystème Loire ? Personnellement, j'ai toujours eu un problème avec le terme représentation, bien que ce soit un concept très courant en anthropologie, mais ce que j'ai appris avec les aborigènes, c'est qu'ils ne sont pas dans la représentation. Ce n'est pas une représentation, c'est quelque chose qui est très très palpable, un rhizome d'igname. Et bien de la même manière, Barbara Klosewski, toutes ces choses-là, comme penser qu'est-ce que ce serait un parlement de Loire, ce n'est pas le représenter en trouvant des gens qui interprètent ce que la Loire aurait à dire, mais ce serait arriver à faire vivre un collectif d'humains et non-humains qui s'exprime sensiblement sur ce que la Loire, en tant que fleuve, nous dit déjà. Pour revenir aux aborigènes, tout parle. Eh bien, la Loire, elle parle dans ce sens-là. Elle parle par son tracé. Elle parle par les traces qu'elle laisse et son tracé qui change selon les saisons, qui change en fonction des pluies et qui aujourd'hui, depuis des siècles, et particulièrement depuis le dernier siècle, est complètement contraint et l'empêche de se déverser en bassin versant qui pourrait empêcher les inondations et qui permettrait aussi de lutter contre les pollutions. Tout en n'oubliant pas, évidemment, de se débarrasser de certaines industries qui polluent massivement ou des industries extractives comme les méga-bassines ou qui vont chercher les sédiments pour construire le Grand Paris. Mais c'est plutôt ce qui est indispensable, la leçon des droits de la nature qui se sont développés depuis maintenant presque une vingtaine d'années, avec beaucoup de succès et de reconnaissance d'un certain nombre de fleuves, de montagnes, de régions, de forêts, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, même le Gange, en Inde, même si après le gouvernement est revenu dessus, c'est que la force de cette revendication-là, qui était bien sûr accompagnée par des juristes, c'est qu'il y avait des populations qui chacune avaient des systèmes de pensée, des cosmologies particulières, qui pouvaient ou non s'exprimer de manière spirituelle, mais qui étaient faites d'usage avec des décisions collectives, où non pas des gens parlent au nom des animaux ou au nom d'un fleuve, mais parlent en tant que toute petite entité d'un écosystème qui n'est pas fermé. Ce n'est pas parler pour, ce n'est pas être mandaté, c'est se retrouver gardien, gardien du fleuve, un ou une parmi d'autres. C'est être gardien en tant qu'habitant, et puis et habitante, et donc en tant que solidaire des autres formes de vie. Et à partir de là, essayer, oui, d'inventer des usages qui ne sont pas des usages prédateurs, qui ne sont pas des usages de la finance, de ce fameux mouvement d'éco-blanchiment ou greenwashing en anglais qui consiste à vouloir reconnaître les services de la nature pour les monnayer. L'enjeu, c'est d'avoir de l'imagination. En Équateur, donc là où c'est le plus abouti, tout le monde peut représenter la nature, d'autant plus que... Valérie Cabanès, juriste. Il est intimement reconnu que l'humain fait partie de la nature, c'est un des éléments de la nature, et que donc on a tous un intérêt à agir pour la protéger. Donc une personne peut le faire, une communauté autochtone peut le faire en lien avec ses liens ancestraux par rapport à un territoire, une association de protection de l'environnement, mais au-delà même, le ministère public en Équateur, et c'est souvent lui d'ailleurs, peut défendre un écosystème en justice. Dans d'autres cas où les droits de la nature ont été reconnus dans des lieux très spécifiques, par exemple les Maoris, avec la rivière Whanganui ou avec le Te Ure Uera, qui est une forêt, une montagne forestière, dans ces conditions-là, les gardiens qui ont été nommés sont les peuples autochtones eux-mêmes. En Colombie, ça a été 14 communautés gardiennes du fleuve Atrato qui sont soit afrodescendantes, soit autochtones, qui ont été nommées par la justice. Donc c'est très variable. L'idée est plutôt, pour le Parlement de Loire ou l'Appel du Rhône en France, ou pour le fleuve Tavignanou en Corse, c'est plutôt de dire qu'il faut aller chercher effectivement des personnes, des riverains, des personnes qui ne sont pas forcément des scientifiques, pas forcément des écologues, mais qui acceptent de suivre une forme de formation sur le fonctionnement écosystémique de l'écosystème qu'ils doivent représenter, qui n'ont pas de velléité politique et donc qui pourraient défendre de manière désintéressée un écosystème en regardant avant tout le rôle écologique qu'il a à jouer et l'intérêt des générations futures. Et c'est vraiment ces deux aspects-là qui sont importants, c'est d'intégrer une idée de temps long et de regarder les conséquences de ce que nous faisons à un écosystème, ces conséquences sur plusieurs générations pour déterminer si cette activité a un potentiel dangereux ou ne l'a pas, au-delà de ses intérêts personnels. Pour la Loire, quand on parle effectivement du Parlement de Loire et non pas du Parlement de la Loire, c'est pour bien englober cette idée que Loire n'est pas juste de l'eau qui court. Loire, ce sont des bancs de sable, ce sont des poissons, ce sont des bactéries, ce sont des algues, ce sont des pêcheurs, ce sont des oiseaux, ce sont des riverains, ce sont tous les usagers du fleuve, tous ceux qui en dépendent pour vivre. Et donc c'est plus que de se sentir grain de sable, c'est se sentir faire partie d'une symphonie et d'être une note au sein de la symphonie du vivant et d'accepter donc de jouer sa partition, mais en laissant chaque note jouer la sienne avec humilité et avec confiance. Confiance que la symphonie se joue, tout simplement. J'ai perdu tous mes repères. J'avais un grand arbre mort, très beau, blanc, magnifique. Il a dû être enlevé. Et je voudrais essayer d'aller voir ce que ça donne dans l'eau. Voir si je la retrouve et comment va l'épave. Comment va l'épave? Je crois que le courant va être trop fort pour moi, là. Et si je retrouve l'épave, je lui mets cette petite bouée. très très turbide. Très turbide. Oh. Oh, la Loire est montée trop haut. Mais c'est pas grave. C'est que la Loire a voulu un temps cacher l'épave. Avec David G. Bartoli, auteur et philosophe, Philippe Boineau, pêcheur professionnel, docteur en sciences, Barbara Glozewski, anthropologue, directrice de recherche au CNRS, Catherine Fumet, habitante coordinatrice régionale de Sortir du nucléaire, Bruno Marmiroli, directeur de la mission Val-de-Loire, Camille de Toledo, auteur, Thierry Bouvet, pêcheur, Virginie Serna, conservatrice en chef du patrimoine, archéologue médiéviste et des fonds fluviaux, Lolita Voisin, paysagiste, enseignante-chercheuse. Merci au Parlement de Loire, Maud Le Floch, et à la Maison de la Poésie. Et au créateur sonore, Rodolphe Alexis. Mixage, Claire Levasseur. Prise de son, Thomas Robin. Documentation, Annelise Signoret. Écocide, qualifier le crime. Une série documentaire proposée par Najma Boikra et réalisée par Thomas Duterre. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier.